10, 4, observation, prononciation, E et E. E, sœur. Écoutez et comparez. C'est à eux. Elles sont deux. C'est peu. C'est sa sœur. Elles sont seules. C'est leur. Le son E dans c'est à eux est différent du son E dans c'est sa sœur. Le son E, c'est à eux, est fermé. Le son E, c'est sa sœur, est ouvert. Écoutez et comparez. Ce n'est pas fameux. Il veut. À eux. Mais c'est meilleur. Ils veulent. Sa sœur. Notez que le son E se trouve dans une syllabe qui se termine par un son de voyelle. Une syllabe ouverte. Et que le son E se trouve dans une syllabe qui se termine par un son de consonne. Une syllabe fermée.